Et bien voilà, c'était Bon Jovi avec le titre Living on a Prayer. C'était pas mal du tout pour commencer cette émission. Un peu plus de 8h37, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 14 novembre 1948. Naissance de Charles de Galles, prince de Galles, prince royal britannique. 1952, naissance d'Alec John Suk, bassiste américain du groupe Bon Jovi, surtout de 1983 à 1994. 1953, naissance de Patrick Sébastien, animateur télé, chanteur, humoriste, producteur français, qui a présenté par exemple des émissions cultes, devenu culte en tout cas, Le Grand Bluff, qui d'ailleurs a la meilleure audience jamais réalisée depuis, Le Plus Grand Cabaret du Monde ou encore Les Années Bonheur. 1954, naissance de Bernard Hinault, ancien coureur cycliste français surnommé Le Blaireau, ayant fait carrière de 1975 à 1986, champion du monde sur route 1980, champion de France sur route 1978, champion de France de poursuite en 75 et 76. À son actif, 10 grands tours, 5 tours de France, 3 tours d'Italie, 2 tours d'Espagne, 7 classements distinctifs sur un grand tour, vainqueur par points du Tour de France 79, meilleur grimpeur du Tour de France 86, classement du combiné du Tour de France 81 et 82, prix de la combativité du Tour de France en 81, 84 et 86. 41 étapes remportées dans les grands tours, 28 sur le Tour de France, 6 sur le Tour d'Italie et 7 sur le Tour d'Espagne. Et à son actif, il compte également 9 classiques. 1959, naissance d'Antoine Duléry, acteur français vu dans L'Échappée Belle, homme-femme, mode d'emploi, meilleur espoir féminin, Brise de Nice, Camping 1, 2 et 3 dans le rôle de Paul Gatineau, De l'autre côté du lit, Chacun sa vie, à la télé dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie dans le rôle du commissaire Jean Larosière, dans lequel il est apparu durant 11 épisodes, et dans la série également Crime Parfait, 4 épisodes dans le rôle de Renaud Delaunay. C'est également l'année de naissance de Paul Attanasio, producteur et scénariste américain à qui l'on doit la série Dr House. 1961, naissance de Nagui, animateur radio et télé, producteur français qui présente Taratata, Tout le monde veut prendre sa place ou bien encore N'oubliez pas les paroles. 1962, naissance de Laura San Giacomo, actrice américaine connue pour son rôle de Retta Rodriguez dans la série télé Saving Grace et son rôle du docteur Grace Cofalon depuis 2015 dans NCIS Enquête Spéciale. 1963, naissance de Stéphane Bern, journaliste, animateur radio et télé français, spécialiste de l'histoire et des têtes couronnées. De 98 à 2003, il a présenté l'émission Saga et depuis 2007, il présente Secret d'Histoire. 1972, naissance de Josh Duhamel, acteur américain, vu dans Transformers 1, 2 et 3, Transformers The Last Night dans le rôle du colonel William Lennox, Bébé mode d'emploi dans le rôle d'Eric Messer, Happy New Year, la série télé Las Vegas dans le rôle de Danny McCoy, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans quelques épisodes de Preuve à l'appui quand les deux séries se sont croisées. 1973, naissance de Betsy Brandt, actrice américaine connue pour son rôle de Marie Schrader dans la série télé Breaking Bad, vue également dans Private Practice. C'est également l'année de naissance de Matt Cedeno, acteur américain vu dans Des jours et des vies dans le rôle de Brandon Walker et Devious Maze dans le rôle d'Alejandro Rubio. 1975, naissance de Travis Barker, musicien américain batteur du groupe Blink 182. 1977, naissance de Brian Dietzens, acteur américain connu pour son rôle de Jimmy Palmer dans la série télé NCIS Enquête Spéciale. 1978, naissance de Delphine Chanéac, actrice française vue dans Brise de Nice, les téléfilms Laura dans le rôle de Laura Fontaine, L'amour vache et L'amour encore plus vache dans le rôle de Lily, Demain je me marie, la série télé La vie devant nous dans le rôle de Pauline, la série Le Transporteur dans le rôle de Juliette Dubois, Section de recherche, Camping Paradis, elle est apparue également dans Demain nous appartient, c'était au tout début de la série si ma mémoire est bonne, dans le rôle de Lily Paquin. 1979, naissance d'Olga Kurylenko, actrice et mannequin ukraino-française, vue dans Quantum of Solace dans le rôle de Camille, Oblivion dans le rôle de Julia et à la télévision dans les séries Largo Winch et Person of Interest. 1980, à la naissance de Russell Tovey, acteur anglais connu pour son rôle d'Harry Doyle dans les saisons 2 et 3 de la série Quantico et vu dans les séries Flash et Legend of Tomorrow dans le rôle de Ray Terrill alias The Ray. 1984, naissance de Vincenzo Nibali, coureur cycliste italien professionnel depuis 2005, champion d'Italie sur route 2014 et 2015. À son actif, 4 grands tours, le Tour de France 2014, le Tour d'Italie 2013 et 2016 et le Tour d'Espagne 2010. Un classement annexe de grands tours, le combiné du Tour d'Espagne en 2010. 14 étapes de grands tours, 6 sur le Tour de France, 7 sur le Tour d'Italie et 1 sur le Tour d'Espagne. 1991, naissance de Graham Patrick Martin, acteur américain, connu pour son rôle de Rusty Beck dans la série télé Major Crimes. 1993, naissance de Samuel Umtiti, footballeur français, professionnel depuis 2012. De 2012 à 2016, il a joué à l'Olympique Lyonnais. Depuis 2016, il joue à Barcelone, champion du monde 2018. Hein, bien sûr, on s'en souvient, hein, il a d'ailleurs inscrit un but hein, durant cette Coupe du Monde hein, où il a cassé la démarche. Tout le monde s'en souvient. Et d'ailleurs, bien on va dire à les Bleus hein, pour ce soir, on en parle tout à l'heure. 1996, naissance de Borna Koric, joueur de tennis croate professionnel depuis 2013, meilleur classement ATP, la 12e place atteinte en 2018, meilleure performance en grand chelem, et bien ce sont des 8e de finale à l'Open d'Australie et l'US Open et 16e de finale à Roland-Garros et 32e de finale à Wimbledon. A noter qu'avec la Croatie, il a remporté la Coupe Davis en 2018. Et hier, on a appris le décès de Raymond Poulidor, ancien coureur cycliste français, dit Poupou, éternel second sur le Tour de France, mais pas dans le cœur des Français, puisque depuis hier, de nombreux hommages lui sont rendus sur les réseaux sociaux de toutes parts, hein, notamment Nasser Bouhanni ou bien encore Julien Alaphilippe hein, pour des cyclistes, d'autres journalistes et autres sportifs. Raymond Poulidor, il a été champion de France sur route en 61. Il a gagné le Tour d'Espagne en 64. 11 étapes dans les grands tours, 7 sur le Tour de France, 4 sur le Tour d'Espagne et des classiques comme le Milan-San Remo en 61 ou encore la Flèche Wallonne en 1963. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale avec le groupe Blink 182 et le titre All the Small Things. c'était le groupe Blink 182 sur le 107 FM. Un peu plus de 8h47, on parle météo. La météo. Bon, on va pas se mentir, hein, ça ne s'arrange pas vraiment. Bon, bah après, on est quand même à mi-novembre. Hein. Ce sera des nuages, de la pluie, même si on pourrait croire que le soleil a envie de percer. Bah, malheureusement, on va pas le voir beaucoup. Hein. Donc, si vous le voyez, profitez-en. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin, entre 5 et 6 degrés prévues pour cet après-midi. Vendredi, ce sera le retour des éclaircies. En conséquence, des températures qui vont diminuer entre 1 et 2 petits degrés vendredi matin. Alors attention, ça va cailler. Entre 3 et 4 degrés vendredi après-midi. Samedi, des éclaircies également. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin. Entre 5 et 6 degrés prévues pour samedi après-midi. Allez, tout de suite, on va faire un petit peu de sport. Les résultats sportifs. Tout du moins, on va parler de sport avec le tennis, l'ATP Finals et Rafael Nadal qui s'est imposé en 3-7 face à Medvedev. 6-7, 6-3, 7-6. Grâce à cette victoire, Nadal est encore en course pour se qualifier, mais l'Espagnol a eu très chaud. Tsitsipas, lui, s'est qualifié en 2-7 face à Zverev. 6-3, 6-2. Oui, il est qualifié pour les demi-finales, hein, puisque deux victoires en deux matchs. Aujourd'hui, Dominic Thiem affrontera Berrettini, Dominic Thiem qui est déjà qualifié pour les demi-finales. Et Novak Djokovic affrontera Roger Federer. Alors là, ça promet. Et à noter qu'en double, messieurs, la paire Pierre-Hugerbert et Nicolas Mahut, eh bien, s'est qualifié pour les demi-finales du Masters. À Houston, il n'y a plus de Françaises après l'élimination hier de Poncher en 3-7 face à Zawadzka. 3-6, 6-3, 6-4. Et à Taipei, S s'est qualifié hier en 3-7 face à On, 6-4, 3-6, 6-3 et elle est en ce moment en train d'affronter Jakupovic. Un mot de basket en NBA. Cette nuit, l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier s'est imposée 112 à 97 face à l'équipe de Philadelphie. 13 points pour le Français. Un mot de Romain Bardet qui ne participera pas au Tour de France 2020. L'information est tombée hier. Il fait l'impasse sur le Tour de France pour se concentrer sur le Giro. Et on termine avec du football. Qualification pour l'Euro ce soir, France-Moldavie. Je vous le disais, tous derrière les Bleus. La composition probable pour cette rencontre, ce sera Mandanda, Pavard, Varane, Langlais, Digne, N'Golo Kanté, Tolisso, Mbappé, Griezmann et Coman et Giroud. Voilà donc pour le 11 probable pour ce soir. Allez, c'est la fin de l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec l'homme nouveau de Jérémy Frérot. J'ai lancé des chevaux à l'assaut des grands jours, j'ai gonflé des ruisseaux et jusque-là ils courent. J'ai entamé des brasses, des manèges à l'audace, j'ai filé des étoiles et jusque-là elles tracent. Je suis de l'eau et je dérive. L'homme est de trop, je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop, je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux, je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. J'ai joué des secousses, soufflé des feux de brousse, j'ai planté des comètes et jusque-là elles poussent. J'ai donné aux rivières le chemin de la mer, j'ai détourné le cou et jusque-là j'espère. Je suis de l'eau et je dérive, l'homme est de trop. Je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux, je vois de haut et je me lève. L'homme est de trop, Je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux. Je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. Je suis de l'eau et je dérive, l'homme est de trop. Je suis de l'eau là sur la rive, l'homme au galop. Je suis de l'eau, des hauts, des rêves, des idéaux. Je vois de haut et je me lève, l'homme nouveau. Eh bien voilà, c'était l'homme nouveau de Jérémy Frérot. Un peu plus de 8h53, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, eh bien un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. Un petit peu avant 9h, ce sera la rediffusion de La Parole est à vous, puisqu'elle dure un petit peu plus d'une heure. Et comme à 10h, on retrouve Les Oreilles du Monde. Eh bien La Parole est à vous, ce sera 8h57. Donc à 10h, Les Oreilles du Monde. 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel. 16h, vous retrouverez Gilou avec Les Années Bonheur. 18h30, Regarde ailleurs. 20h, Memento Mori. 23h, Rock à la Casbah. Et nous, on se retrouve demain matin. Même heure, même endroit. Excellente journée à tous.